sur les nuages, pour jouer avec les mirages, pour taquiner les orages, pour taquiner les orages. Petit garçon, je décolle de la cour de mon école avec des plumes et de la colle. Je me fais pousser les ailes, je vole sans fil, sans nacelle, au-dessus des petites parcelles. Je vole sans fil, sans nacelle. Je me prends pour Gagarine. Oh.